Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Quatrième épisode, se former pour faire grandir. Depuis le début de l'année, je suis chef pour pouvoir dépanner un pote qui était en galère, mais j'ai autre chose à faire. Les réunions, je ruse, j'arrive à trouver des excuses. Je suis chef, mais c'est pas mon destin. Je vais pas te faire un dessin. Je suis un bad chef, j'ai pas fait ma promesse. Je passerai pas mon BAFA, les bûchettes, j'en veux pas. Je suis pas pédard, moi les mails, je les lis pas. Je réponds pas. Les jeunes, quand ils arrivent au scout, ils sont pas livrés à eux-mêmes. On parle beaucoup d'autonomie, on parle beaucoup de. Voilà, de débrouillardise et tout ça, mais ils sont pas livrés à eux-mêmes, ils sont encadrés par des jeunes adultes, parce que une des forces du scoutisme, c'est que c'est une association pour les jeunes et par les jeunes. Tous les animateurs qui veulent camper, quel que soit l'endroit, quelle que soit la durée du camp, quel que soit l'endroit où est le camp, ils doivent être formés. C'est-à-dire que pour un camp d'été, il n'y a pas un animateur qui n'est pas formé. On a une accréditation avec le scoutisme français, avec les autres associations, qui nous permet de faire passer des formations BAFA, donc des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et d'animatrice, mais aussi BFD, brevets d'aptitude aux fonctions de directeur et directrice. Du coup, on a cette accréditation dans laquelle on a des formateurs qui sont formés, qui vont former nos jeunes responsables à partir de 17 ans. Et donc ils vont mettre en place tout dans le cadre de la loi, comme on pourrait le faire avec une autre association. Après, c'est des BAFA qui vont être un peu, qui vont être orientés scoutisme. Donc on va voir plein de choses sur la vie campée, la vie d'équipe, les enfants dans la nature. C'est particulier quand même un camp scout par rapport à un centre de loisirs ou un centre de vacances. On a des formations qui sont spécifiques par rapport à, par exemple, la nourriture, les temps spirituels, animer une activité... savoir qu'est-ce que c'est la méthode scout, des fondamentaux, des choses qui sont utiles un peu partout. Là, c'est des formations vraiment très, très riches, très, très intenses. C'est ça l'idée, c'est de prendre des responsabilités au fur et à mesure des camps et des années, et des responsabilités de plus en plus grandes. Donc on a cette coloration-là lors de nos stages, mais sinon on forme vraiment à être des animateurs et... Un jeune qui passe le brevet d'aptitude en fonction d'animateur chez les scouts est tout à fait apte à aller animer après dans un autre centre, dans un autre accueil. Donc il y a vraiment un gros suivi, mais en plus d'avoir ce BAFA ou ce BFD, les jeunes ils sont jamais seuls. C'est ça qui est pas mal aussi dans le scoutisme, c'est qu'on a des échelons. Notre première activité, c'est vraiment l'activité pour les jeunes, avec les jeunes. Mais pour que cette activité elle fonctionne, il y a plein de choses autour. Là, on est dans la permanence régionale des EDF de Lyon. Et en plus de ces permanences, il nous faut des gens qui nous aident à gérer le matériel, à gérer la com, la trésorerie. Enfin voilà, on a beaucoup de choses à faire aux éclairs. On a besoin de beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément en première ligne devant les enfants. C'est un relais en fait, c'est un relais permanent. C'est-à-dire qu'on peut commencer jeune ou moins jeune dans le scoutisme et finalement, voilà, on va apprendre de nos aînés, on apprend toujours de nos aînés et de nos pères, enfin de nos semblables au sein du mouvement. Et ensuite, le but étant, si on en a la possibilité, le temps, etc., de retransmettre à son prochain. Et puis il y a aussi le côté intergénérationnel. On travaille avec, on est ensemble, les petits, les grands, les jeunes, les vieux. Et quand on regarde à l'équipe régionale, on a entre 20 ans et 60 ans et ça marche très bien. Et c'est quelque chose de très riche en fait, de pouvoir être ensemble avec des âges différents et d'avoir du coup plus que des collègues, entre guillemets, que ces personnes-là deviennent des amis. C'est aussi dans ma vie personnelle très enrichissant. La richesse du scoutisme, c'est cette formation, cet esprit de bénévolat, de générations qui travaillent ensemble à faire grandir les enfants, les adolescents. Une vie administrative et associative bien rodée pour se concentrer sur la mission principale, les jeunes, l'éducation populaire, l'apprentissage de la vie en groupe et ses bienfaits. Et c'est le programme du prochain épisode. «